couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 41. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Je vous invite à nous suivre sur notre nouveau nom de domaine, puisque le dernier en date a été censuré vicieusement par les juifs. Il s'agit de Dempart, D-E-M-P-A-R-T.store, S-T-O-R-E. D-E-M-P-A-R-T.store, S-T-O-R-E. Vous pouvez vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins, l'adresse suivante, eelb.su. EELB.SU, nous avons procédé à l'activation de comptes qui ont été créés ces dernières semaines. Il y avait du retard, ne nous en voulez pas. Si vous êtes inscrit, veuillez vérifier s'il vous plaît si votre compte a été activé. Si ce n'est pas le cas, envoyez-nous un message. Nous savons que par ailleurs, dans le laps de temps, de nouvelles personnes se sont également inscrites. Parce que, comme vous le savez, si vous vous inscrivez avec une adresse DNMX, vous êtes considéré comme spam. Donc il faut une activation manuelle, donc envoyez-nous un petit message, on essaiera de faire au mieux. Hein. Je procède tout de suite à la présentation des membres, puisqu'on est en fait en comité restreint, fête oblige, beaucoup de camarades sont indisponibles, pour des raisons évidentes, hein, priorité à la famille en ces fêtes de fin d'année, fêtes de Noël tout spécialement cette semaine. Nouvelle année prochainement, la semaine d'après. Mais fidèle au poste, certains de nos camarades ont répondu présent, à commencer par Hydromel. Salut Hydro, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, ça va bien. Salut Derek et salut à tous. Et ben oui, je vais bien avec cette victoire de l'Albi Céleste. De bon augure pour entamer 2023. Oui, oui. Tout à fait. Blanc et bleu, c'est juste. Est aussi avec nous cette semaine, Derek. Salut Derek, merci à toi de nous rejoindre pour cette émission spéciale, hein, spéciale famille, spéciale Noël. Hein, voilà, le Père Noël arrive avec ses cadeaux, plein sa hotte, et nous-mêmes avons des quelques petits cadeaux pour nos auditeurs en ce jour, en cette période de fête, on va dire. Ouais, salut Gandalf, salut Hydromel, effectivement, j'hésitais à vous dire Buenos Dias, mais c'est vrai que oui, j'ai un petit peu de mal. On t'aurait pris avec, pour l'espagnol, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, donc je l'ai dit là, mais bon, en guise d'introduction, c'était un petit peu trop quand même. Mais bon, le cœur y est avec l'Argentine, là, c'est une semaine assez merveilleuse. Avant d'entamer l'émission, nous allons remercier nos donateurs. Comme vous le savez, cette émission et ce site, ce forum, tout est intégralement dépendant du soutien des lecteurs et des auditeurs. Et vous pouvez le faire, nous soutenir, grâce à Monero, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat des dons. C'est très utile dans cette période de surveillance généralisée. Donc, Nous remercions tous ceux qui le font anonymement, qui ne nous écrivent pas, mais nous voyons leurs dons. Merci à vous. Et c'est indubitablement un soutien important. Et puis, il y a ceux qui décident de nous écrire un petit mot pour nous demander de les remercier en ligne. Et c'est bien normal et on le fait avec toujours beaucoup de plaisir. Donc, don numéro 1. Bonjour, chers démocrates. Voici un nouveau don de 1 monero, 1,03 monero, de Monseigneur Mayol, alias Panzer, dont je me fais l'intermédiaire. Encore bravo pour votre travail, nous sommes derrière vous et nous continuons à vous soutenir avec une pensée toute particulière pour le combattant de l'exactitude, Monsieur Vincent Renoir, auquel nous pensons et prions en ce temps de l'Avent. Je vous laisse avec ma boutade juive traditionnelle, car comme dirait l'autre, faut rigoler, il ne nous reste plus que ça. Alors, nous sommes à Jérusalem, où se trouve le convoi funéraire d'un membre de la famille Rothschild. Le convoi arpente les rues de la ville, et là, un homme se fait remarquer. Il pleure à chaudes larmes et semble effondré de cette disparition. Un juif s'approche de lui et lui demande, donc avec l'accent juif, hein, bien sûr, « Je vois que vous êtes terriblement affecté, vous êtes de la famille. » L'autre juif répond, « Non, c'est pour ça que je pleure. » Force à vous et que Dieu vous garde. Merci de mentionner le don dans l'émission ou de me confirmer la réception par message. Eh bien, c'est fait. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe d'EDP. Je vous informe par la présente de mon don de 1 monero. Preuve du don en pigeon, bien sûr. Je profite de ce message pour exprimer ma sympathie à notre camarade Vincent et prie pour sa libération prochaine. Je souhaite à toute l'équipe d'excellentes fêtes de fin d'année. Amicalement, et c'est signé Ferdinand. Merci Ferdinand pour ton don, merci pour ton soutien. Évidemment aussi, merci pour la pensée que tu adresses à Vincent Renoir. Nous allons y revenir, hein, justement. On va les transmettre, bien sûr. Don numéro 3. Alors là, c'est un message personnel que j'adresse à l'éclaireur, qui va très vite se reconnaître, pour son don très substantiel qu'il a fait à Démocratie Participative. Merci, éclaireur. Nous l'apprécions. Nous dépendons uniquement des dons, donc c'est sûr que ça fait une très nette différence. Merci à toi, éclaireur. Et nous avons une pensée commune pour ce bon roi Philippe le Bel, qui a su régler les problèmes relatifs... Ah, il y a une passion commune, c'est ça ? Oui, relatif... aux étrangers qui s'infiltrent, se glissent hein, en France pour voler hein, les gens. Hein, voilà. Donc, vous savez peut-être à qui je fais mention. Je ne parle pas des Templiers, bien entendu. Alors, messieurs, courrier des lecteurs. On a un petit courrier sympathique qui nous est adressé. Bonsoir, je tenais à vous saluer pour votre travail de réinformation et l'expression et d'expression de la parole libre. Je vous ai découvert par bouche à oreille d'amis blancs et je récupère quotidiennement ce que j'ai loupé ces dernières années. Vous avez participé à mon sursaut politique blanc et européen. Je ne vous apporte pour le moment que mon soutien moral et mon assiduité. Je vous remercie de nous éduquer face aux grandes toiles juives dressées contre le peuple blanc. Pour que vive la race blanche, vive DP. Bonne soirée, chers amis. C'est signé Emilio, qu'on salue. Très affectueusement. Alors, messieurs, avant d'entamer l'émission, je voulais bien sûr rappeler à tous nos auditeurs que nous avons un camarade et un membre de l'émission, de fait, qui est en geôle, en Écosse, persécuté par les Juifs. Je veux bien évidemment faire mention ici de Vincent Renoir, donc qui est pourchassé hein, par l'hydre juive, pour son travail de moine relatif à un mythe de l'Holocauste. Vous pouvez vous reporter au site de Vincent pour suivre son actualité à l'adresse suivante, puisqu'il y a une modification de l'adresse du site de Vincent. Blog, blogue, point, sans concession en un seul mot, point, org. Je répète, blog.sansconcession.org. Donc le site est inchangé, la forme est la même par rapport au précédent, simplement l'adresse URL qui a été modifiée. Donc si vous souhaitez écrire à Vincent pour cette fin d'année, parce qu'évidemment, en prison, vous imaginez bien, à la fois à Noël et au Nouvel An, on se sent seul, isolé de tous. Donc c'est vraiment le moment de lui envoyer un petit mot. Pour les détails, vous pouvez vous reporter au site d'ailleurs de Démocratie Participative, hein, tout est cité, ou bien au site de Vincent lui-même, où là aussi tout est explicité, mais je vous donne son adresse. Donc, pour écrire à Vincent, voici l'adresse en question, 160 071 V Rénoir, HM Prison, Édimbourg. Alors, en Édimbourg, on écrit... en forme anglaise, donc c'est E-D-I-N-B-U-R-G-H. 33 Stenhouse Road. Je vais épeler. 33, bon. Stenhouse, S-T-E-N-H-O-U-S-E, espace, Road, R-O-A-D. Édimbourg, d'accord, ça vous le savez. E-H-11, espace, 3 LN, Royaume-Uni ou UK. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse de Vincent. Envoyez-lui un petit mot pour Noël, même avec un peu de retard, ou surtout pour la nouvelle année. Il peut la recevoir à temps. Ça va quand même assez vite. Hein. Je veux dire, l'Écosse est à côté. En quelques jours, il peut recevoir votre courrier. Vous n'êtes pas obligé de signer personnellement votre courrier. Hein. Vous pouvez simplement écrire un mot, ne pas marquer votre adresse au dos de la carte ou quoi que ce soit. Mais un mot d'encouragement pour Vincent, ça ne peut que le toucher depuis sa cellule. Parce que bon, hein, c'est quand même des moments où on cogite, hein, fatalement, hein, je veux dire, fin d'année, on cogite, hein, voilà, surtout que Vincent a des enfants, ne l'oubliez pas, il a des enfants, et son combat lui a coûté énormément à titre personnel, et il n'a jamais retiré de profit personnel de son combat, hein, ça lui a coûté beaucoup, mais ça ne lui a pas rapporté, je voulais dire, matériellement, ça lui a rapporté sur un autre plan, mais pas matériellement. Ce qui change quand même considérablement de ce que l'on voit par ailleurs. Hein. Donc n'hésitez pas à lui témoigner de votre sympathie par un petit courrier. Alors messieurs, entamons notre émission de la semaine avec, sur un ton très léger, c'est une émission courte, hein, voilà, c'était pour que nos auditeurs ne soient pas seuls en cette période de Noël et qu'on égaye un petit peu les soirées fraîches, hein, puisqu'il fait froid hein, quand même. Et avec quelques nouvelles intéressantes. Alors, cette semaine, rubrique numéro 1, négritude. Et c'est vrai que c'est un fléau, ça. C'est un fléau et qui méritait d'être analysé à sa juste mesure. Fléau à la fois connu et trop peu mentionné. Je veux parler des nounous africaines. C'est à la fois un phénomène social très réel et en même temps quelque chose dont on ne mesure probablement pas la portée. Alors, c'est... pas moi qui ai décoté cet article, hein, je le dis bien sûr, c'est un auditeur et un lecteur, c'est Céline, qui a eu la gentillesse de porter cet article à notre attention. Alors c'est un article que l'on retrouve sur le média start.leséchos.fr, donc en fait c'est une espèce de blog lié au site Les Échos, vous savez ce magazine. Et alors, c'est une chercheuse, bon, entre guillemets, hein, en sciences sociales, qui s'est intéressée à la question. S'est intéressée à la question des nounous africaines. Et alors, elle a fait un condensé, une toute petite synthèse pour le blog sur Les Échos, là, dont voici le retour. Alors, vous allez découvrir probablement quelques petits trucs, et on va en parler. Alors, le titre. Comment les nounous africaines sont devenues indispensables aux jeunes parents cadres? Alors ça, c'est le titre. Mais il faut préciser, en fait, dans la foulée, à Paris. Il faut préciser, à Paris. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, voici l'article. Le film de Julien Rambaldi, Les femmes du square, sorti en salle le 16 novembre 2022, avec notamment au casting l'actrice Eye Aïdara, je ne connais pas, hein, vient remettre au cœur de l'actualité la figure de la nounou africaine. En effet, il suffit de regarder dans les squares, les parcs ou autres jardins publics parisiens pour voir des femmes noires derrière des poussettes contenant des enfants blancs. Ce spectacle nous est sans doute devenu tellement familier qu'il est tombé dans une certaine banalité. À l'échelle nationale, la garde à domicile est très peu développée car les enfants de moins de 3 ans sont avant tout gardés par leurs parents la plupart du temps. 61% contre 19% chez des assistantes maternelles agréées et 13% dans les établissements d'accueil pour jeunes enfants. Donc ça, c'est la répartition. Hein. Donc 61% par les parents, 19% avec des assistantes maternelles et 13% dans les établissements d'accueil pour jeunes enfants. Voilà. La garde à domicile ne représente en fait que 2% au niveau national. La situation est différente à Paris. Le mode de garde collectif arrive en tête, 40%, suivi de la garde par les parents, 33%, 16% pour la garde à domicile et 6% pour les assistantes maternelles, 3% par un proche de la famille. Donc 16% pour la garde à domicile, donc c'est ce qui nous intéresse, hein, contre 2% au niveau national. Vous voyez, hein, y a un net déséquilibre. Donc cette spécificité parisienne pour la garde à domicile s'explique entre autres par le fait qu'une large part des enfants de moins de 3 ans vivent avec un père ou un parent cadre lorsqu'il s'agit d'un foyer monoparental. Famille séparée en fait, hein, voilà, couple séparé, et donc généralement l'enfant est avec la mère, et la mère est une cadre dynamique, hein, n'est-ce pas, voilà, elle est occupée, elle a du boulot. Et alors, l'article poursuit, « S'il est en moyenne plus onéreux que les autres, le mode de garde à domicile permet une plus grande souplesse pour les familles qui y ont recours. Les nounous africaines que j'ai rencontrées dans le cadre de mes recherches sont arrivées d'Afrique subsaharienne, pour l'essentiel, avec un visa touristique de courte durée. Devenues très vite sans papier, elles pouvaient travailler en étant le moins inquiété dans le secteur de la garde d'enfants à domicile. Même si la loi semble ambiguë à ce sujet, le domicile des particuliers employeurs reste relativement protégé des contrôles de l'inspection du travail ou même des contrôles d'identité par la police. Cependant, les services de la nounou au sein de la famille s'inscrivent dans une temporalité incertaine. Celle-ci est faite d'expériences successives qui se rompent ou se prolongent suivant le désir des parents de faire un second enfant ou non. La nounou peut ainsi facilement totaliser plus d'une dizaine d'années dans différentes familles en circulant de l'est à l'ouest parisien, passant parfois par la petite couronne au gré des offres de garde. Cette instabilité est source de précarité. La nounou doit sans cesse renégocier son contrat et son salaire. La plupart du temps, elle ne dispose pour cela que de ses seules références, hein, fournies par les anciens employeurs, à condition qu'il faut bien le lui donner. Alors, l'expérience des années passées dans différentes familles n'est pas systématiquement prise en compte. Bon, voilà, là, ça, c'est la question du cursus, on s'en fout. Alors, dans Les Femmes du Square, donc dans le film en question, Fatou, une des protagonistes, ironise en comparant les nounous dans les squares au club de foot où chaque joueur reste avec ses coéquipiers. La métaphore n'est pas injuste. L'univers des nounous s'est diversifié avec le temps. Les nounous africaines partagent les squares avec des sud-asiatiques, des sud-américaines, etc. Les unes et les autres se mélangeant rarement. L'arrivée de nouvelles concurrentes entraîne une reconfiguration du marché de la garde d'enfants à domicile. La marge de négociation entre nounous et employeurs sur la rémunération devient plus étroite à mesure que les candidates deviennent nombreuses. Ah oui, eh oui, l'immigration de masse, voilà. Une des nounous interrogées durant nos recherches exprime ainsi ce sentiment. Je le fais sans l'accent. Hein. C'est difficile. Quand on regarde sur Internet, il y en a qui mettent des annonces du style « Je cherche quelqu'un pour récupérer les enfants après l'école et s'occuper de la maison. » Et souvent, c'est des nounous anglophones qu'on appelle, déjà parce que c'est pour parler aux enfants, pour qu'ils apprennent deuxième langue gratuitement, et il y a quelles qui acceptent de tout faire pour le même prix, c'est-à-dire en fait la garde plus le ménage. Hein, voilà. Ce phénomène est classique, les spécialistes des migrations et du travail l'ont bien démontré, les derniers venus occupent les emplois ou acceptent plus facilement des conditions de travail que les plus anciens refusent, eux-mêmes ayant parfois occupé des emplois dont les autochtones ne voulaient plus. Voilà. Donc c'est un sujet... intéressant, je trouve. C'est donc, voilà, donc en fait, les cadres supérieurs parisiens, hein, donc les cadres, les bobos, une part substantielle des bobos, fait éduquer ses gosses en bas âge par des négresses, dont une bonne part musulmane, hein, il faut le préciser. Quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que vous auriez quelque chose à en dire? Est-ce que vous avez une première idée qui vous traverse l'esprit à ce sujet? Ben, le premier truc que ça m'inspire, c'est que si c'est les Africaines qui se mettent à éduquer les Blancs, ben, ça va donner des Blancs qui vont savoir twerker, qui vont savoir faire du vaudou, jouer au tam-tam. Et encore, là, c'est pas l'aspect musulman. Donc ça va... Est-ce qu'elles vont circoncire les jeunes bébés dans le dos des Blancs? Non, peut-être pas quand même. Mais... Ah non, peut-être bon. Dans certains cas, c'est pas totalement, c'est peut-être pas totalement impossible. Enfin bon, voilà, c'est assez c'est inquiétant. Est-ce que toi, tu l'as constaté? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu vois des nounous africaines avec des petits Blancs? Je ne me balade pas dans une grande ville, dans les squares. J'ai vu beaucoup de couples métis avec des enfants métissés. J'ai pas vu ce phénomène particulièrement, mais ça me surprend pas plus que ça, puisque l'arrivage d'étrangers est tellement massif que nécessairement ça finit par survenir. Derrick. Alors, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ces gens sont, enfin, ont vraisemblablement très peu de, comment dire, de connaissances par rapport à la nature du nègre. La négresse, nègre, c'est pareil. Explique-nous ça. Oui, je suis curieux là. Comment veux-tu laisser un bébé à la merci d'un nègre? Moi, je pourquoi pas faire garder les bébés par des pitbulls? Ce serait très intéressant aussi. C'est quelque chose qui peut être développé, hein, pourquoi pas. Hein, on voit souvent ça aux États-Unis, c'est-à-dire on voit souvent des négresses qui ont en charge soit des personnes âgées, soit des enfants en bas âge, et qui les violentent. Oui, voilà. Bien sûr. Enfin, le nègre ou la négresse en particulier, hein, bon, il y a encore plus d'oestrogènes. Déjà, ça de la négresse, testostérone énervée, plus oestrogène encore pire. Enfin, c'est fou quoi, une négresse. Hein. Ça pète un câble pour rien, donc il y a trop de bruit, je te fous du sopalin dans la bouche, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Ah, c'est, voilà, on réfléchit pas, bruit, moi énervé. Trou bouche, ok, boucher le trou, voilà. Trou bouche, secouer, arrêter, secouer, bruit, fini, tu vois, il y a une logique qui est très simple, élémentaire, hein, quand leur cerveau... reçoit trop de stimuli, tu vois, un stress, en situation de stress. Alors, stress, ça peut être, pour stresser le cerveau d'un nègre, c'est assez facile, en fait. Hein. C'est quelque chose, du bruit. Il a faim, alors, ça pue, il a fait caca, paf, on jette le bébé contre le mur, tu vois. Genre, c'est ça, c'est stress, situation de stress pour le nègre. Hein, c'est... Et un bébé, c'est une situation de stress. Hein. Les parents qui nous écoutent, je pense, ne diront pas le contraire. Donc, il y a cette part-là. Donc, maltraitance et potentiel dégâts. Ils peuvent les blesser, mais ils peuvent les tuer. Non, mais bon, ils secouent beaucoup. Ils secouent, ils tapent. Enfin, tu vois. C'est la maltraitance, et ça peut causer des troubles cognitifs. Hein. Le cerveau qui prend des coups, des commotions cérébrales quand t'es nourrisson, c'est pas terrible. Donc, si vous connaissez des gens qui sont dans ce cas, alertez-les du danger nègre, hein, du péril nègre. Mais je ne sais pas, parce que s'ils sont des bobos, ils votent quand même Emmanuel Macron. Donc, est-ce que quelque part, ils ne méritent pas un petit peu? Alors non, c'est alors, cruel, ouais, c'est non, cruel pour l'enfant. Oui, c'est l'enfant. C'est ça, c'est l'enfant qui perd. C'est doublement cruel. Ouais, ouais, voilà, ouais. C'est doublement cruel, parce que c'est une... Pour les... pour ceux qui n'auraient pas de problème particulier, qui ne rencontraient pas de problème particulier... alors, je ne pense pas qu'il y ait l'histoire du twerk. Peut-être chez certains, mais bon... Ce genre de comportement, comment dire, je pense que c'est quand même plus quelque chose qui est, qu'on va trouver dans les classes populaires, hein, d'aller se vautrer dans le twerk et qu'on aurait comme ça. Par contre, c'est problématique puisque ça forme, ce sont les enfants d'une certaine élite, même si elle est ce qu'elle est, avec le nombre d'imperfections, hein, mais ça reste quand même, bon, c'est pas, si tu veux, il y a un capital cognitif quand même chez ces gens, même si ils ne le mettent pas forcément, ils ne l'utilisent pas forcément très bien. Là, ça sera encore pire, c'est-à-dire que les gamins vont avoir la figure de la négresse. De la négresse, quoi. C'est la. Vont avoir un accent africain. Non, mais c'est une espèce de Vénus, tu vois. On entre dans un paganisme où la négresse va devenir. Oui, la figure fondamentale, c'est effrayant. La figure fondamentale de la société française, puisque. Voilà, la matrice française, exactement. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, ça n'a rien de surprenant, mais... C'est une suite logique de l'avancement de la France. Voilà, c'est une suite logique que les élites françaises, bon, parisiennes plus particulièrement, parce que ça, c'est un phénomène parisien, on nous le dit, hein, je veux dire, c'est un phénomène parisien. Hein, c'est pas un phénomène français, c'est un phénomène parisien. Alors, je ne doute pas que... les élites des différentes régions de France, en tout cas dans les grandes villes des régions de France, n'ont qu'une envie, c'est de copier les élites parisiennes et de faire de même. Mais pour le moment, c'est un phénomène parisien. Et donc, vous avez effectivement les fils de la grande bourgeoisie parisienne ou de la bourgeoisie parisienne. Ouais, je ne sais pas si c'est la grande, à mon avis, c'est plutôt la... Ah, vois, je pense que ça. Je c'est pense ceux que... qui ne peuvent pas avoir d'étudiantes américaines ou trucs comme ça. Certainement, oui, je te l'accorde. Je te l'accorde, mais le phénomène doit être tellement, je veux dire, invasif, si tu veux, que ça se standardise. Oui, par capillarité, oui. Voilà, oui. C'est ça. Et j'ai eu des témoignages qui me sont parvenus aux oreilles. C'est-à-dire qu'il y a des. Maintenant, même dans les quartiers très chics de la capitale française, à la sortie des écoles, outre l'infection raciale, il y a aussi un mimétisme comportemental chez les jeunes blancs de la grande bourgeoisie. La grande bourgeoisie, qui est impactée par la sauvagerie, afro-maghrébine. Dans le langage, etc. Hein, je veux dire, donc il y a un vrai phénomène de mimétisme, et la musique joue un rôle terrifiant là-dedans. Hein, le rap, en fait, hein, c'est pas de la musique, c'est du bruit. Hein, c'est du bruit négroïde. Enfin, de pollution auditive. Une pollution auditive arabo-négroïde, en fait, qui bon bah qui c'est comme de l'eau, hein, vous pouvez calfeutrer, hein, oui, mais ça passe quand même par humidité, par suppuration, voilà. Et donc je pense qu'il y a quand même une part d'infection. Alors je dis pas que c'est généralisé, on nous dit bien, hein, c'est 16%. Donc 2% au niveau français, c'est 16%, l'essentiel à Paris. Oui, voilà. 16%, donc, c'est ça, mais plus l'environnement musical, voilà. Culturel français dans son ensemble, oui, c'est... C'est quelque chose qui s'ajoute. Hein, c'est un étage sur la pièce montée. Quoi. Si dès le berceau, le bébé, dans son subconscient, a le visage horrible d'une énorme négresse musulmane qui s'imprime dedans, bah même s'il ne s'en souvient pas, ça s'imprime sur ses yeux. C'est-à-dire que ça, c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est de l'ordre de l'hérité, c'est dangereux, ça, vous voyez. Eh ben, ça va créer des réflexes. Quoi que vous en pensiez, ça va créer des réflexes. Des réflexes de négrophilie, d'ensauvagement, d'abaissement racial. C'est inévitable. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tendance encore plus renforcée à la négrophilie des élites françaises à aimer les nègres. Et dans une optique qui est la nôtre, de, comment dire, de séparation, hein, à minima, eh bien, c'est très inquiétant. Hein, c'est très inquiétant. C'est vachement inquiétant. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est que, on, imagine être parent et moi, je sais pas, hein, je ne comprends même pas le processus intellectuel, mais il y en a donc, qui acceptent sciemment, je veux dire, de remettre leur enfant d'un an, un an et demi, à une énorme, à un pachyderme d'Afrique. Qui vient de débarquer en plus, qui vient d'arriver de son Afrique subsaharienne natale, ça débarroule de son bled. Ça peut débarquer comme ça peut être là depuis un certain temps, mais si tu veux, je sais pas s'il y a vraiment une. Non mais c'est effrayant, mais enfin c'est quand même. Une si pas... fondamentale différence de nature. Non mais je veux dire c'est effrayant quoi, c'est effrayant. Je veux dire, qui peut avoir une idée pareille, Eh ben voilà, c'est des gens qui ont été complètement, enfin, c'est ceux qui. C'est ceux qu'on retrouve dans la classe dominante parisienne, hein. c'est les plateaux de télévision, c'est le monde des grandes entreprises, c'est tous les connards que vous trouvez sur Twitter là, c'est tous les connards qui votent Macron là, c'est les cadres supérieurs à Paris, c'est ça quoi, c'est ce monde-là quoi, hein. Ils sont tous antiracistes, alors là je pense qu'ils devaient espérer que leur équipe de nègres gagne la coupe, etc. Enfin, je veux dire, c'est ces gens-là. Donc ces gens-là ne se rendent même plus compte des réalités raciales. Ils ne se rendent même pas compte d'une autre, de quelque chose de très, d'évident. C'est-à-dire que l'océan, la lie raciale qui encercle Paris, cet océan de chiasse raciale, n'a qu'une envie. C'est de leur couper la gorge. Parce qu'il faut quand même le dire. Tous ces culs blancs-là de Paris-Centre sont des cibles privilégiées. À la moindre opportunité, tous les Africains, tous les Afro-Maghrébins des banlieues parisiennes, s'ils en avaient l'opportunité, se précipiteraient sur leur quartier, non seulement pour les piller, pour les violer, mais pour les assassiner en groupe, leur faire ce qui s'est passé à Haïti, c'est évident, et ils ne le voient même pas. Et ils laissent rentrer ces animaux dans leur intimité. Vous imaginez l'état de destruction mentale. Mais même au point d'exposer leurs gamins, ils sont fous, ces gens sont authentiquement fous, mais dans leur esprit, et là moi j'en termine là-dessus, mais enfin, peut-être pas sur le sujet, mais sur ma prise de parole, là. Ces gens-là, au fond, quand vous arrivez, vous dites, il y en a marre l'immigration, c'est comme si vous disiez, vous voyez, en 1913, vous arrivez dans une colonie d'Afrique de l'Ouest, là, vous disiez, bon, il faut arrêter la colonisation, c'est bon, ça suffit, on arrête. Vous adressez au gouverneur et à sa famille et vous lui dites « Non, mais il y en a assez de la colonisation, maintenant tout le monde rentre en métropole, c'est terminé. » Le mec vous regarde avec des yeux écarquillés et dit « Mais il est fou cet homme-là. » C'est pareil. C'est-à-dire que là, ce qu'ils sont en train de faire, là, tous ces culs blancs de gauche qui votent Macron, là, pour eux, c'est l'âge d'or des colonies. C'est-à-dire que t'as les larbins marrons qui font le boulot. Ils te livrent les pizzas, ils gardent les gosses, toi tu fais du fric, etc. C'est le même processus. Bah, ça a toujours été. Paris a toujours fonctionné comme ça, et bon, et même les villes en général. Mais disons que. Bah oui, ça marchait avec des blancs, mais bon, quand les blancs commencent à faire autre chose, à plus vouloir être payés au lance-pierre, bon, pour éviter tout ça, bon, déjà, les blancs de. Bah, sont foutus hors de la ville, quoi. Il y a la bourgeoisie reste dans la reste prend au cœur de la ville avec ses petits îlots de nègres et d'arabes en HLM, bien sûr payés par les épargnes, hein, des livrets A, ce genre de choses, hein, bien entendu, et le contour et le blanc est jeté de là. C'est une scène qui fonctionne bien. Tu as des gens qui, voilà, les bourgeois, hein, donc c'est ça, hein, c'est les jeunes cadres, les cadres de la métropole ont besoin d'esclaves. Hein, oui, c'est ça. Ont besoin d'esclaves pour s'occuper du tâche quotidienne, hein, puisque effectivement, on a décidé que c'était une excellente chose d'avoir toutes les femmes qui travaillent. Donc, oui, c'est un point important. Déjà, c'est pour ceux qui font des gosses, parce que la natalité en France est quelque chose qui est très, très inquiétant. La natalité des cadres, c'est encore plus inquiétant. Hein. C'est, alors, à Paris, la natalité, c'est catastrophique, hein, faut le savoir. Hein. Les gens ne savent pas ça, on est sur des niveaux, on est à moins d'un enfant par femme. Hein. Oui, bah, non, mais si tu prends par classe sociale, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on a une dégénérescence complète de. Bon, il faut dire ce qui est, hein, c'est quand c'est tout ce qui est biberonné par la CAF qui pullule, enfin, qui ne vit que ça, c'est-à-dire les gens vivent des subsides. Quand c'est ça qui fait la majorité de ta démographie, mis à part le cas marron, islamique, etc., mais même chez les Blancs, c'est pas. Chez les Blancs, la partie des cadres, la natalité des cadres, enfin, cadre est supérieure, quoi, les classes supérieures, c'est effrayant, hein, c'est effrayant. Et les cadres sont de moins en moins blancs en plus, bah, surtout en Île-de-France. De plus en plus, je pense, dans les entreprises, ça se dit pas, mais il y a très probablement des cooptations. Les gens se cooptent entre eux. Ah oui, mais c'est pas que cooptation, c'est le quota, hein, en fait. C'est le quota qui ne dit pas son nom, où tu as le graal du quota, c'est la négresse. Alors, si elle était homosexuelle, c'est encore mieux, mais une négresse, c'est une femme, c'est d'une part, et c'est noir. Donc, ça va commencer. Donc, la matrice, la négresse. Et là, dès l'enfance, et puis, bon, ben, parce que c'est une... Ça ne sert à rien, une négresse, hein, on est d'accord, ça ne sert à rien. Hein. Mais on va la mettre partout dans le monde du travail, à des postes de responsabilité, de trucs qui ne servent à rien, parce que c'est une religion. Voilà. Le nègre est une religion, et la femme nègre en particulier. On a une verticalité de la présence du nègre tout au long de la vie du français. C'est formidable. Ben oui, c'est ça, c'est l'africanisation complète de la société française, mais là, ce qui est inquiétant, c'est que c'est aussi par le haut. Et donc, il y a une partie de l'article qui est intéressante. C'est une boucle, quoi, c'est une boucle. C'est une boucle, mais il y a une partie de l'article là, qui est intéressante, il dit... parce que là, on comprend en fait pourquoi ils veulent l'immigration maximale. Parce que qui c'est qui fait la politique en France ? C'est évidemment Paris. Qui c'est qui contrôle Paris ? Bon, outre la bourgeoisie juive, il y a quand même une partie de la bourgeoisie parisienne blanche. Et c'est eux qui donnent le ton, n'est-ce pas ? Donc, quand vous voyez ce qu'ils vous disent, voilà, en fait, il y a un dumping social, hein, il y a une compression en fait des salaires des nounous du tiers-monde, parce qu'il y a une ouverture complète des frontières, vous comprenez pourquoi, tout d'un coup, le ministère de l'Intérieur n'a pas envie de freiner l'immigration. Parce que le ministère de l'Intérieur français, il est à Paris, et que, bah, c'est... tout simplement, les cadres de ce ministère font garder leurs enfants par des négresses. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils fassent preuve de dureté au niveau de l'immigration, quand au quotidien, dans leur vie... tous les aspects de leur vie quotidienne, ils ont besoin de larbins du tiers-monde pour faire des jobs à pas cher. C'est ça la réalité, il ne faut pas chercher plus loin, hein. C'est très très simple tout ça. Il y a un peu une idée comme ça qui me dérange, on va dire, chez les opposants à l'immigration, ce serait que les Français dans leur ensemble seraient victimes de la politique d'immigration de masse. Alors oui, il y a des Français qui sont victimes de l'immigration de masse, mais il y a une part importante de Français qui plébiscite la politique d'immigration de masse. Et ça, je crois que simplement parce qu'on ne les fréquente pas, on ne les connaît pas, on n'a pas de relation régulière avec, on ne sait pas qu'ils existent. Vous voyez, on se dit, mais en fait, on nous impose l'immigration. Attention, attention, attention. Il y a des gens qui le veulent. Il y a des gens qui en bénéficient de leur point de vue. C'est peut-être un point de vue court-termiste, mais ils existent. Et ils font pression. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on nous dit bien, hein, vous savez, il dit, voilà, l'expulsion des nounous. Bon, on sait, en fait, on ne les expulse pas. C'est un peu ce qui est écrit en filigrane dans l'article. On nous fait bien comprendre qu'en fait, les nounous en situation régulière, elles sont jamais virées. Hein, voilà, on le sait. Bon, parce qu'en France, on n'expulse pas les étrangers en situation régulière. Je crois que c'est 5%, enfin, c'est dérisoire. Donc en fait, une fois que tu as mis le pied en France, la vérité non dite, ce qu'on n'explique jamais aux gens, c'est qu'en fait, on ne les vire pas. Et on ne les vire pas parce que l'État français est incapable d'en virer. C'est parce que l'État français reçoit des consignes très strictes pour ne pas les sortir. Voilà. Alors on joue avec des statistiques, on fait semblant de ne pas comprendre ce qui nous donne le numéro de Darmanin, en fait. C'est ça le truc. Quel est le rôle d'un ministre de l'Intérieur aujourd'hui comme Darmanin ? Et n'importe quel autre ministre de l'Intérieur fera le même job. C'est de faire croire qu'il lutte contre l'immigration clandestine pour faire plaisir aux populos, tout en suivant la politique qui est exigée par la bourgeoisie française, et juive, hein, bien sûr, pour lui donner ce qu'elle attend. Donc, en gros, la bourgeoisie, le haut de la chaîne alimentaire veut des larbins à pas cher, Darmanin leur fournit des larbins à pas cher. Et de l'autre côté, on fait du bruit sur l'immigration, voilà, et vous avez qu'à remarquer, il y a à peu près une loi sur l'immigration tous les deux ans en France. Alors, tous les deux ans, peu importe le président, peu importe le gouvernement, peu importe la majorité, socialiste, centriste, de droite, Sarkozy, Hollande ou Macron, c'est pareil. Tous les deux ans, à peu près, il y a une loi sur l'immigration. Et là, on vous dit, voilà, on va serrer les boulons. Mais on s'en fout. La question, c'est pas une nouvelle loi. La question, c'est que les lois en vigueur ne sont pas appliquées. Et elles ne sont pas appliquées à dessein. Donc, ce n'est pas la question d'écrire de nouvelles lois. Elles ne sont pas appliquées, oui, parce qu'on fait en sorte qu'elles ne soient pas applicables avec tout un tas de trucs. Voilà. Donc, et là, dans cet article sur les nounous africaines, et même du tiers-monde, parce qu'on nous dit aussi qu'il y a de la concurrence, parce que ça vient d'Amérique. Maintenant, c'est carrément d'Amérique latine ou d'Asie du Sud-Est, ou aller savoir où, je veux dire. Ben en fait, voilà, c'est tout. C'est, voilà, les gens de ce cercle social parisien veulent des larbins. Ils le font savoir à qui de droit. Et voilà, donc on n'expulse pas, voilà. Et ce qui est vrai, évidemment, pour les nounous, bah, c'est vrai pour les livreurs. C'est la tarte à la crème. Maintenant, tout le monde le sait, parce qu'il y a quand même eu quelques scandales là-dessus, mais tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont le cul gras sur leur sofa à bouffer des pizzas dégueulasses, ils se les font livrer par des trimmers du tiers-monde. Donc, moi, je veux bien être un trotskiste militant sur YouTube à dire que j'aime tout le monde, je veux la régularisation de tout le monde, mais en pratique, t'es juste un putain de feignant qui a pas envie d'aller à la pizzeria et qui a envie de te faire livrer par un Soudanais irrégulier à pas cher. C'est ça, la réalité, faut pas se mentir. Voilà, c'est ça, les militants de gauche, quoi. Vous voyez, c'est ces mecs-là. Et c'est un écosystème. Et au fond, quand vous résumez le macronisme et le mélenchonisme, c'est les mecs qui ont des beaux appartements dans Paris Centre qui se tirent la bourre avec les mecs de la périphérie, voilà, mais ils sont d'accord sur tout, ils ont la même vision du monde. Sauf que les mélenchonistes veulent un peu plus de fric pour faire la même chose que les macronistes. Au fond, c'est ça, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, et derrière, vous avez les blancs dans les cambrousses. Alors eux, ils sont complètement relégués et eux, ils votent Marine Le Pen, vous voyez. Mais en fait, ils sont complètement sortis. Ils n'ont plus de maternité, ils sont en train de les fermer. Ils auront bientôt plus de courant. Les ponts sont en train de se casser la gueule. Ils s'en foutent complètement. Enfin, à Paris, ils s'en foutent, quoi. Ils n'en ont rien à foutre. OK, ils ont complètement réorganisé le territoire français sur cette base, quoi. Voilà. Et donc, les laisser pour compte. Dans les campagnes, etc. Bah évidemment, pour eux, les nounous africaines, c'est même pas possible, parce que de toute façon ils ont même pas le ils ont pas le salaire pour se payer ce genre de prestations. Ils peuvent même pas une nounou africaine, ils peuvent pas payer, ils peuvent pas tarifer une nounou africaine pendant 2 heures, ils peuvent pas, voilà. Donc ils le font eux-mêmes, ou ils font garder par la grand-mère, ou ce genre de truc, vous voyez. C'est voilà, donc c'est complètement différent. Donc on a affaire à des populations qui n'ont pratiquement plus rien à se dire, en fond. Mais j'ajouterais, moi, que les mélenchonistes, les macronistes, savent très bien qu'ils sont, que ce processus va conduire au final à l'extinction des autochtones, des blancs en Europe de l'Ouest. Ils le savent et ils s'en foutent totalement. S'en foutent complètement et ils sont même satisfaits de ça. Avec les déclarations de Mélenchon et compagnie. Mélenchon, il s'en flatte parce que bon, oui, Mélenchon, il s'en flatte. Mais je veux dire. De toute façon, si tu veux, ces gens-là, surtout les macronistes, ce sont des bourgeois. Et la vision du monde du bourgeois, c'est lui et son nombril, si tu veux. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça, quoi. Tu vois, il n'y a pas de nous. Il n'y n'y a pas de nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas la volonté de servir les autres. Ça n'existe pas. C'est, tu leur dis la race blanche, les mecs te regardent, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Ça sort de, ah, c'est le Troisième Reich, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ils disent, non, non, mais ça existe, il y avait un peuple historique. Ils disent, ah, quoi, ils n'y pensent même pas, si tu veux. Ce sont des gens qui sont à l'aise financièrement et qui ne raisonnent qu'en termes de fric et d'aisance matérielle et de court terme. Donc toi, en tant que blanc, tu as encore la conscience tribale du bien collectif, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que tu ne penses pas qu'à toi. Tu penses aussi aux autres, à tes enfants, à tes petits-enfants, à ceux de tes voisins, etc. Tu vois, bah, dans des grandes villes anonymes comme Paris, à l'exception de quelques minorités, je veux dire, ça n'existe pas, quoi. Voilà. C'est tragique, mais c'est la réalité. Hein. C'est un égoïsme absolument débridé et égoïsme totalement partagé par la gauche mélenchoniste. Hein. Faut pas se... c'est juste que les autres sont des gangs petits, en fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est les mélenchonistes, c'est tous les tocards de la ceinture des grandes villes qui sont jaloux du niveau de vie des macronistes et qui passent leur temps à essayer de les agresser en essayant de séduire les Africains et les Maghrébins pour faire masse contre la bourgeoisie blanche des centres-villes. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a une géographie de la politique en France. Voilà. Et donc, ils sont très très proches. Ce sont des gens jaloux. Ils veulent ce qu'ont les macronistes. C'est pour ça que les macronistes, vous voyez, quand ils ont vu les gilets jaunes, alors les gilets jaunes au départ venaient de l'extérieur, c'est la France périphérique, mais très vite ça s'est restreint à cette ceinture. C'est pour ça qu'on a vu la mutation. C'est-à-dire qu'au départ c'était un mouvement populaire sur des ronds-points, qui veut dire que les bobos voient jamais, parce que par définition ils vont jamais en France, les bobos, ils restent à Paris ou dans les grandes villes, quoi. Et ça s'est transformé en phénomène urbain, c'est-à-dire que la migration s'est faite des ronds-points dans les cambrousses vers les centres-villes. Quand les mélenchonistes, l'électorat de Mélenchon s'en est mêlé, c'est-à-dire tous ces crasseux de syndicalistes de la fonction publique de la couronne des grandes villes. Voilà, c'est quand eux, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait 2 kilomètres, ils sont allés en centre-ville, vous voyez ? C'est pour ça que le mouvement n'avait rien à voir, on a présenté ça comme le même, alors que ça n'avait rien à voir, c'est même pas les mêmes gens, ils ne parlaient pas de la même chose, ils n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt, ils n'avaient rien en commun, absolument rien en commun. Et c'est là que ce mouvement est devenu profondément détestable. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement de Gilets jaunes, il était intéressant durant le premier mois. Mais après, il était détestable. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les sales gueules de la fonction publique des grandes villes. Tous ces craspecs, là. C'est... En plus, c'est des pièces rapportées, hein, les mecs. C'est même pas des Français, souvent. C'est le mec, il a un quart de ceci, truc de cela. Là, le mec, il gueule, tu vois. C'est des Rodriguez, des mecs comme ça. C'est des rouges, ça, c'est de la racaille, c'est de la canaille, ça vient d'ailleurs, c'est pas des Français, ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais, il y a eu beaucoup d'antifa qui ont noyauté les manifestations hein, dans les grandes villes. Hein. Ça, c'est... Ils se sont appropriés, les gilets jaunes, à leur compte. Voilà. Bah, il y a eu deux mouvements qui ont été présentés comme un seul mouvement. Et c'est intéressant parce que, donc, je dis, il y a une géographie de la politique. Hein, donc. Voilà, ça a été présenté comme ça, voilà. Donc voilà. Et donc en fait, on a des gens qui peuvent pas se parler parce qu'on a rien à se dire. Moi, j'ai rien à dire à un mélenchoniste. Qu'est-ce que je dis à un mélenchoniste ? J'ai rien à dire à un mélenchoniste. J'ai rien à dire à un syndicaliste des postes de la couronne francilienne. J'ai rien à lui dire. J'ai rien à lui dire. Qu'est-ce que je lui dise ? Ben, qui retourne dans son bled. Ce serait pas mal. Non, mais je veux dire, voilà, c'est des gens comme Besançon. Qu'est-ce que vous voulez dire à des gens comme ça ? Il n'y a rien à leur dire. Oui, bien sûr. Il n'y a rien à dire à des gens comme ça. C'est tout. On n'a rien à se dire. Ils veulent notre extermination. Que pourrait-on leur dire ? Oui, mais c'est beaucoup de cynisme, encore une fois. C'est-à-dire que ces mecs-là. Donc, j'aime bien d'ailleurs, parce que les halogènes, de plus en plus, appellent ça la gauche blanche. Ourya Boutedja fait le travail, hein, encore une fois. Donc elle, parce que j'aime bien Ourya, parce qu'elle dit toujours les choses. Elle reparle toujours de l'essentiel, à savoir de la race. Donc c'est bien, j'aime ça. Et elle dit bien la gauche blanche, elle a raison de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les culs blancs de la petite bourgeoisie fonctionnarisée de la couronne des grandes villes qui essayent de faire copain-copain avec les bougnoules parce qu'ils ont la même culture, au fond, parce qu'ils écoutent la même musique aussi. Ils ont des points de jonction comme ça. Et leur imaginaire est en fait déterminé dorénavant par les rappeurs afro-maghrébins. C'est-à-dire leur monde devient ça. Mais il y a quand même la barrière raciale. C'est-à-dire que les afro-maghrébins feront jamais copain-copain avec des culs blancs. Jamais, ça n'existe pas, ça. C'est faux. Vous voyez ? Ils peuvent essayer de s'en servir, mais c'est tout, quoi. Voilà. Donc, donc évidemment, c'est la sociologie française, quoi. Voilà. Donc, les élites françaises font élever leurs gamins. Alors, élever, c'est un grand mot. Bon, pour le moment, c'est prendre en charge leurs enfants en bas âge par des négresses. Ah, pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas, hein. Enfin, en tout cas, l'empire colonial se porte bien en France. Voilà. Toujours pas crevé. Je sais pas. Moi, je me pose la question, c'est quand l'empire colonial va-t-il crever en France ? Quand les Français auront crevé, j'allais te dire. Quand le staff de l'équipe de France sera entièrement africain et qu'il n'y aura même pas le gardien africain. Là, peut-être. Non, mais c'est ça, hein, je veux dire, dans les têtes, l'empire colonial n'est pas mort. C'est marrant d'ailleurs de voir les procès contre le colonialisme, etc., parce que l'empire colonial est vivant, il est sous nos yeux. Il est là, il est devant nos yeux. C'est ce qu'on a cité, hein, c'est un exemple, hein, c'est anecdotique, certes, mais très représentatif quand même. Et de voir les procès contre la colonisation s'intensifier, d'autant plus comique, que toutes les élites françaises vivent intégralement, mentalement, à l'ère coloniale. Intégralement. Vous savez, pour vous dire à quel point c'est vrai, à quel point c'est marquant, dans l'émission, on a souvent raillé Louis Alliot, du Front National, et ensuite du Rassemblement National, qui est un pied noir, il est partiellement d'origine juive séfarade, vous savez. Louis Alliot Sultan. Oui, voilà ça. Et alors, mais c'est un expulsé d'Algérie. Comme Robert Ménard, d'ailleurs. Donc, ils ont été expulsés d'Algérie. Et alors, on devrait se dire, mais ils vont avoir une rancune tenace contre les Maghrébins de les avoir chassés d'Algérie. Alors, c'est faux, c'est pas du tout vrai. Parce que, en de multiples occasions, et chez Louis Alliot, c'est particulièrement remarquable, il s'entoure de Maghrébins. Chez Louis Alliot, c'était une politique consciente. C'est-à-dire que quand il s'agissait de recruter du personnel au Parlement européen, c'était toujours, il recrutait toujours des Maghrébins ou des Maghrébines. Jamais des Français. Vous allez dire, mais pourquoi ça ? C'est ce tropisme. C'est-à-dire que leur bled leur manque. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je parle de ça ? Mais parce que si vous arrivez face à des gens comme ça qui vivent encore à l'ère coloniale, et vous allez leur dire, là, bon, Mamadou, là, ça, c'est terminé. Le livreur soudanais, c'est terminé. Tout ça, on oublie, voilà, on va faire des trucs entre Français, entre Blancs, là, on va se retrousser les manches, on va bosser. Mais c'est la fin du monde pour ces gens-là. Pour eux, c'est l'âge d'or qui se termine. C'est pas possible. Vous êtes un décolonisateur, vous voyez ? Et ils sont foutus d'essayer de poser... Ils sont capables de poser des bombes pour vous empêcher de décoloniser. Vous comprenez ça ? C'est très réel. Alors évidemment, c'est l'empire colonial à l'échelle de la France. C'est pas l'empire colonial de jadis, un pied en Afrique, un pied en Asie, etc. Mais c'est l'empire colonial en France. Et il y a des gens qui ne veulent pas que le colonialisme s'arrête. Et on l'a vu avec l'équipe de France, on va pouvoir en parler, hein. Mais pour eux, c'est un... Ce qu'on ressent, c'est l'angoisse qui les taraude du déchirement avant la rupture, vous voyez ? C'est avant la décolonisation, c'est « Ah, il va falloir quitter l'Algérie, mais on n'a pas envie de quitter l'Algérie, vous voyez ? On va leur arracher leurs Arabes, on va leur arracher leurs Noirs, ah non, s'il vous plaît, non, vous voyez ? C'est... Et des gens comme ça, moi je veux dire, voilà, moi pour moi, on peut rien dire à des gens pareils, on n'a rien à leur dire, voilà. Et c'est souvent, hein, voilà, dans votre vie quotidienne, soit vous avez envie de vous débarrasser de ces populations-là, soit vous n'avez pas envie, hein, pas chercher midi à 14h, hein, c'est simple, il y a deux camps, il y a deux écoles, hein, là-dedans. Vous voulez vivre avec, vous voulez vivre sans, hein. C'est très simple, hein. Et faites le test autour de vous, faites le test autour de vous. Alors, Même dans les soi-disant les milieux politisés à droite contre les milieux, oh, faites un peu le test. Ils vont toujours vous trouver un bon bougnoul. Ils vont toujours vous trouver un bon bougnoul, un bon noir. Ah oui, les Arabes. Non, mais celui-là il est très très très bien. Il est très bien. Celui-là. Ouais, toujours pareil quoi. Voilà. Bah, voilà, c'est ça quoi. C'est voilà, donc c'est le syndrome Louis Alliot, le syndrome des pieds noirs. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont tanné avec les harkis, franchement quoi. Qu'est-ce qu'ils nous ont tanné avec ça quoi pendant des décennies quoi. Je veux dire. Ils ont milité pour parce qu'il y avait les bons Arabes, voilà. Alors voilà, historiquement c'est d'autant plus cocasse que finalement les bougnoules qui ont chassé les Français ont été mieux traités que les harkis, c'est un fait, hein. Ça c'est très réel. Mais ils nous ont tannés avec l'histoire des harkis quoi, qui est un résultat de l'inconséquence française de sa politique coloniale, c'est tout. Bon bah ils veulent nous refaire la même chose. Oui, c'est marrant, mais moi, je personnellement, hein, je n'arrive pas à faire la différence entre Robert Ménard et Mélenchon. Je n'arrive pas. Ils sont nés en Afrique du Nord, ils n'ont jamais pu s'acclimater à l'Europe, jamais. Jamais pu s'acclimater à l'Europe. Ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner là-bas. Et en fait, vous voyez, il y en a un qui est à la gauche radicale, l'autre qui a été dans la droite populiste, donc Robert Ménard, et ils parlent pareil, on peut pas se débarrasser, il faut garder nos Arabes, machin, la remigration, quelle horreur, on va vivre ensemble, etc. C'est les mêmes gens. Ils veulent pas se débarrasser de leurs bons bicots, de leurs bons nègres, ils les aiment. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait on ait des choses à dire à ces gens-là? On n'a rien à leur dire. Voilà. Donc, c'est voilà ce que je voulais dire là-dessus. Quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose? Pas spécialement. D'accord. Alors, bah, venons-en aux déchirures nécessaires. Coupe du monde, messieurs, Coupe du monde. On s'est quand même régalé. Hein. Pas tout le monde. C'est raccord avec ce que je disais. Hein. Voilà. Hein. Bon, il y a deux écoles. J'ai expliqué ça. Il y a deux écoles. Et cette semaine, il y a eu deux écoles aussi. Hein. Donc, il y avait les Argentins et leurs amis, et il y avait les partisans de l'équipe de France et leurs amis. Alors, je vous la fais courte, hein. Le monde entier était pour l'Argentine. Le monde entier. Et la France était pour son équipe. Voilà. Sauf quelques empêcheurs de tourner en rond, parmi lesquels nous figurons, bien évidemment. Alors, j'ai même découvert que au Bangladesh, Oui. Même les non, mais au Bangladesh. Là-bas, ce sont des fous furieux, hein. Les fous furieux de l'Argentine, c'est, je sais pas. Ah, j'ai. Alors, ils avaient des grands écrans qu'ils avaient déployés en plein air. Des masses immenses de Bangladais qui étaient à fond derrière l'Argentine. Ils voulaient la victoire. Voilà. Alors que c'est une équipe chrétienne, hein, noter. Alors qu'en face, ils avaient une équipe musulmane, donc l'équipe de France. Bah, comme quoi. Mais le Bangladesh, ça fait pas partie de ces pays là au moment des caricatures de Mohamed qui s'était insurgé là. C'est un peu la zone. Hein. Je crois qu'ils ont un ressentiment contre la France qui est incroyable. Donc ils voulaient tuer Emmanuel Macron. Voilà, donc peut-être ça s'explique aussi. Non, mais moi ils voulaient tuer Emmanuel Macron parce qu'il avait dit du mal du prophète quoi. Voilà, mais je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron a failli déclencher une révolution au Pakistan. Ça a été oublié par tout le monde. Vous remarquerez que les historiens n'en parlent pas, les commentateurs politiques. Enfin, c'est-à-dire ça, c'est des trucs, vous trouvez même pas ça sur Wikipédia nulle part. Hein. Mais Emmanuel Macron, avec son histoire, vous savez quand il a pris la parole avec Samuel Paty, avec son histoire à la Sorbonne, quand il a fait son speech, et quand il a revendiqué en fait les caricatures, il y a eu des troubles immenses au Pakistan, qui ont été d'une telle violence que le gouvernement a failli tomber au Pakistan. Les gens n'ont pas suivi ça. Et les factions les plus radicales du Pakistan ont exigé d'utiliser l'arme nucléaire pakistanaise, parce qu'ils ont l'arme nucléaire, ces gens-là, contre la France. Hein. Mais c'est lors de grands meetings, je veux dire. Il faut utiliser l'arme nucléaire contre les mécréants, il faut attaquer la France. C'était hystérique. Des millions étaient en pleine ébullition. Et alors, bizarrement, une quinzaine de jours plus tard, on a retrouvé ce Pakistanais, il avait une barbe énorme, teinte en roux, vous savez comment ils font là-bas. Et on l'a retrouvé mort. Je pense que l'armée pakistanaise a dû. Ils ont été obligés. Non, ils étaient obligés. Ça prenait des proportions gigantesques, je veux dire. Et ça c'est Macron tout seul. Voilà, personne n'en parle, mais voilà. Alors, tu as raison de rappeler qu'il y a une très forte inimitié entre Emmanuel Macron, même si son équipe est noire et même si elle est beaucoup plus musulmane que l'équipe d'Argentine. Mais il y a une inimitié très forte entre la France d'Emmanuel Macron et le monde musulman, il faut le rappeler. Alors, donc vite fait sur le match, avant de rentrer dans les résultats, les retombées, on va dire. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous avez aimé le match? Est-ce que le résultat est à la hauteur de vos espérances, chers amis? Bah, le match en lui-même, je pense qu'il était quand même intéressant parce qu'il y a eu du suspense, des rebondissements, indépendamment de l'équipe qu'on supporte, c'était quand même un beau match. Il y a eu 6 buts. Il y avait beaucoup de pénalties, donc ça c'est moins bien, mais je pense que le match en lui-même, indépendamment des considérations de couleur de peau, il était intéressant, je pense. Et il s'en est fallu de très peu pour qu'à la dernière, dans les dernières 30 secondes, le sort en eût été autrement. Et là, ça aurait basculé dans une autre dimension. C'est-à-dire que là, on aurait eu le droit à 4 ans d'éloges de nos Africains magiques. Et puis là, je pense que dans les médias, ils ne se seraient pas privés de faire remarquer que dans la dernière demi-heure à peu près, la totalité des joueurs de champ étaient tous africains. Ah, il y avait uniquement le gardien. Il s'en est fallu de peu pour que on voilà. Oui, on voyait là, il y avait une photo quand il y avait les tirs au but où là donc il y avait l'arbitre au milieu du rond central et de part et d'autre il y avait les deux équipes. Enfin, les joueurs de champ des deux équipes, parce que les gardiens étaient à la cage. Et effectivement, on voyait la ribambelle de nègres. C'est-à-dire qu'en plus des champs, ça a commencé, il n'y avait que deux blancs. Il les a sortis assez rapidement. Et même à la fin, si tu veux, il a même ceux qui étaient trop clairs. Si tu veux, sorti les mulâtres. Oui, il a sorti les mulâtres. Le seul qu'il a gardé, c'est le mulâtre algéro-camerounais. D'ailleurs, il est clair, mais c'est l'Afrique quand même. Il y avait 0% de sang européen dans ça. Il y a même les métis, les varanes et compagnie. Non, c'est trop. Il y avait, je crois, un peu plus que deux. Il y avait Giroud, Rabiot, Hernandez, qui est espagnol, oui. et Griezmann, et plus le gardien. Donc au début du match, il y avait quasiment moitié-moitié, presque, pas tout à fait. Oui. Très rapidement, effectivement. Donc il y en avait deux, c'est ça? Il y avait Rabiot, tu dis, c'est ça? En français de souche, Rabiot, voilà. Et Giroud. Bon, Griezmann, germano-portugais, et Hernandez, hispanique. Enfin, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en avait un petit peu plus. Et c'est vrai que maintenant, on a droit à plus de 3 changements, c'est ça? C'est comme... 5. C'est beaucoup. Hein. J'ai perdu le film. Bon. Les nègres, les tirs au but, c'est pas ça, en fait. Ça marche pas, quoi. Ils se sont bien fait déconcentrer par le gardien. Quand Tchouaméni, il a voulu tirer, le gardien, il a pris la balle, il lui a dit « Va la chercher là-bas ». Tchouaméni, il a été la chercher. Mais bon, il était déstabilisé, quoi. il a fait une espèce de... Alors déjà, le héros Martinez, donc le gardien argentin, a arrêté, je sais plus quel nègre, juste avant la fin des prolongations. Il a fait un arrêt décisif. Là, c'est vrai que ça a commencé à sentir bon quand on a vu ça. Et voilà. Donc, alors, pendant ce temps-là, il y avait Macron qui était déchaîné dans les tribunes. Là, oh là là, putain. C'était sans aucun filtre. Il n'y avait aucune pudeur, rien du tout. Il devait être sacrément shooté parce que, franchement, vu les réactions, c'est incroyable. Ah oui, bon, là, il était déchiré. C'était si on peut faire un petit aparté sur Macron, il y avait des tribunes, et puis Et puis après. Mais c'est-à-dire que les Arabes à côté, enfin pour le coup, c'est des vrais Arabes, c'est des Arabes du Golfe, quoi. C'est pas, parce qu'on dit par facilité, on dit que les Maghrébins sont des Arabes, mais c'est pas des Arabes. Ils ont été soumis par les Arabes, mais c'est pas des Arabes. Mais les Arabes du Golfe à côté, ils avaient de la contenance et de la tenue. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils regardaient. Bah oui, ils étaient très. Et il y avait l'autre espèce de taré qui était là. Voilà. Tu regardes ça, tu dis putain, c'est le chef de l'État français, ça. Bah, je pose la question, mais est-ce que vous imaginez, je vais pas citer le maréchal Pétain ou quoi, mais est-ce que vous imaginez Mitterrand se livrer à un numéro d'exhibitionnisme comme ça, en hurlant, en gesticulant, comme ça, à côté des autres, notamment du chef de l'Émirat du Qatar. Bah, c'est hallucinant, je veux dire quand même. Surtout qu'en plus, c'est au moment crucial où il y a à peu près 3 milliards de téléspectateurs, quoi. Donc toute l'humanité a vu la folie de ce bonhomme, quoi. Et comment dire, et puis dès que le match a été terminé, il a été littéralement ensorcelé par le fumet de la sueur des nègres, quoi. Il a fallu qu'il Oui. Donc oui, ensuite il y a eu la deuxième phase. Il a été touché. Qu'il touche. Hein. C'est donc il était là sur le terrain carrément. Hein, sur le terrain, quoi. Sur le terrain, à filmer, à voir le Mbappé qui alors, lui peut. Là, pour le coup, je pense lui la finale, ça va lui faire mal. C'est-à-dire qu'il a marqué une triplé en finale de Coupe du Monde et il perd. Quoi. C'est bon, je sais pas trop comment il va encaisser ça. On va voir. Mais là, ouais, c'est quand même. Donc Macron qui est allé là, et après il a fait une speech dans le vestiaire. Ah ouais, ouais, il a fait une speech totalement lunaire. Et les joueurs, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est ? Ah, oh, mais vous êtes bien, et vous les deux là, ouais, genre les nègres, on vous aime, vous avez raté, mais hein, accrochez-vous. Hein. Et puis là, il tape dans la nuque à Deschamps, tu vois, il attrape comme. Il lui caresse les cheveux à fond, hein, il plotte de partout là. C'est vraiment, ouais, c'est. Il a terminé son discours avec Vive la République, vive la France. Il a dit, alors il a commencé en ayant une pensée pour celles et ceux qui allaient arrêter. Celles et ceux. Ah, dans un vestiaire 100% masculin. Ouais. Bah oui. Ça me rappelle y a-t-il un flic, quoi, je veux dire, tu sais, avec Frank Drebin, je veux dire, c'est là on est là on en est à ce niveau-là, quoi, je veux dire, j'avais manqué. Je pense qu'il était dans l'euphorie, enfin à 30 secondes près de la coke. Il était pas loin de la victoire. Ah non, mais je te l'accorde, donc en fait il a pas basculé dans sa tête, il est resté dans son euphorie, mais il a pas su changer d'attitude. Quand tu perds, bah tu vas pas emmerder les joueurs qui sont effondrés. C'est même pas ça. C'est et en plus le discours, ça faisait vraiment éducateur, tu vois. Sportif pour gamin. Pour gamin. On aurait dit qu'il parlait à. C'est ça. On aurait dit un éducateur. Pour les gamins qui avaient perdu un match, je sais pas, enfin, tu vois, leur championnat de minime, tu vois, ou les poussins, quoi. Ouais, Bobigny, bah, alors, hein, parce que. Ouais, non, mais quand il parle aux enfants, je sais pas, peut-être que Brigitte lui parlait comme ça, tu vois. Non, mais il parle nègre, c'est ça, quoi. Ouais, mais bon, enfin, quand même, bon, c'est. Écoute, t'as qu'à regarder l'infantilisation des masses en France par les médias et par le pouvoir politique. Ouais, à quel point les Français ils aiment ça. Faut pas s'étonner, je veux dire. Ils leur parlent comme à des, bon, en l'occurrence aux nègres. Donc ils leur parlent comme à des handicapés mentaux, mais par procuration, tout le monde recevant le message chez lui au même moment. On est dans l'hyper paternalisme en fait en France maintenant. C'est le chef de la tribu, quoi, maintenant. C'est-à-dire, parce que bon, moi je vois bien le régime présidentiel, etc. Bon, mais De Gaulle, il était pas un trash. Putain, mais De Gaulle était quand même pas dans les vestiaires des chiottes, dans les vestiaires ou dans les chiottes, à toucher le cul des joueurs. Et bon, on a perdu, mais c'est pas grave, la prochaine fois on va gagner. Je veux dire, bon, oui, le régime était présidentiel, mais il savait se tenir quand même, voilà, où il devait se tenir. Mais là, si tu veux, Macron, il est partout, quoi. Je veux dire, et c'est d'ailleurs, c'est Sarkozy qui a introduit cette cette façon de procéder et qui est maximalisée par Macron. Et voilà, Macron, il est partout. Et il aime ça, mais alors il aime tout partir dans ça avec les nègres. Le papa qui rassure, le papa qui touche, le truc. Et il aime bien infantiliser, tu sais, il est là. Et je sais pas, quoi, je veux dire. Il a aucune tenue, quoi, c'est incroyable, ça. Personne ne le reprend jamais. Le mec, il arrive, il vient de toucher, etc. Je dis, mais. Ouais, c'est gênant. Mais j'ai remarqué, dans les quelques jours qui ont précédé la finale, on aurait cru qu'il allait sentir le vent tourner. Et que Giroud, s'ils avaient été vainqueurs, Giroud, Deschamps, c'est quand même des blancs. Alors on l'entendait dans ses discours valoriser Giroud, alors qu'auparavant, jamais il l'aurait fait. Surtout avant, quand il y avait le conflit avec Benzema. Alors il a fait des pieds et des mains pour qu'on le voie sur toutes les photos du monde entier. Oui, c'était ça, hein, c'est donc, ça l'objectif. Donc, manque de peau, ça a été super contre-productif, parce que qu'on soutienne ou pas Macron, je pense que même les macronistes, ils se sont dit, mais ils ont pas su où se foutre, parce que franchement, c'est la honte mondiale, quoi. Les macronistes, si tu veux, eux, pour eux, c'est très bien. Enfin, déjà, c'est des boomers. Ouais. Des boomers qui sont à moitié séniles, sinon plus, qui aiment materner des nègres. Le boomer aime materner des nègres, quoi. Alors, encore plus s'il est fonctionnaire, hein, retraité de l'éducation nationale. Ça fait des associations pour le bien-être de la biodiversité nègre en France, quoi. Donc quand ils voient ça, les macronistes étaient contents. C'est-à-dire, chez son public, ça marche, c'est très bien, ça marche. Voilà, il a bien parlé. Oh voilà, j'ai parlé avec émotion, etc. Enfin, il a le truc, hein, probablement parce que sa femme est boumeuse, ça plaît à son électorat. Ça plaît à sa clientèle, bien sûr. Bah, il a les mots, mais c'est tout ça, c'est théâtral. Il récite des textes, mais en réalité, bien sûr, au niveau de l'émotion, il est demeuré, donc ça, forcément. Il y a un public de sénile. Peu importe ce qu'il a, oui, la sincérité ou pas. Je pense assez. Au milieu des nègres, il est assez sincère, hein, quand même. Ouais, ouais, il est assez sincère. Au milieu des nègres, il est sincère. Et puis, il y avait besoin de faire ce truc-là, ce speech-là, pour plaire à son public. Donc, il l'a fait. Hein. Ça, les gens qui ne l'aiment pas, ils ne l'aiment toujours pas. Mais bon, il est mal élu, ce type-là. Hein. Il a même pas de majorité au Parlement. Bon, il a son noyau dur. Le noyau dur des boomers radicalisés, ça marche, ça sécurise. Je pense que cette défaite, ça lui fait mal. Parce que au début de son quinquennat, s'ils avaient gagné, il se serait approprié cette victoire. Il aurait pu mettre en avant toute son idéologie. Et je pense que ça lui fait mal. Et donc, du coup, c'est une super bonne nouvelle pour ça, au moins. Ah oui, il aurait. Imaginez, il ramène la Coupe du Monde, un peu avant Noël. Pour son public de débiles, là, pour tous les tarés qui ont soutenu cette équipe de cafres, évidemment que c'était pour lui, c'était un jackpot politique, et voilà, et c'est évident. Mais là, les nègres, ils ont compris où était leur place aussi, c'est-à-dire que le blanc Macron leur a bien rappelé qu'ils étaient des tirailleurs, hein. C'est pas parce qu'il leur donne des félicitations, etc., que voilà, il y a quand même une hiérarchie, hein. Là, ils l'ont compris, hein. Quand il a vu des boulets vampiriser toute la situation, etc. Et voilà. Alors évidemment, il a fait ça comme faisait un officier de la coloniale en 1915. Hein, voilà, hein, il a fait ça comme ça, quoi. Hein, mais il n'empêche que. Hein, voilà. Donc les autres, ils sont là. Bon, bref, peu importe. Alors le truc, c'est que très peu de temps après, comme je disais, donc le monde entier soutenait l'Argentine. Hein. Donc il ne faut pas la peine de se faire d'illusions. C'est-à-dire que tout le monde voulait que la France perde. Et le monde entier se foutait de la gueule de l'équipe de France et de ses nègres. Alors ça, les Français ne sont pas au courant, en fait. Parce que faut bien comprendre une chose avec la France. Hein. C'est une Albanie communiste. C'est une Albanie communiste. D'accord. Ni plus ni moins. Donc c'est une cloche. Donc les Français pensent, si vous voulez, que le monde entier pense comme les Français. Et ils se disent, Notre équipe est géniale, le monde entier aimerait avoir notre équipe. Alors pas du tout, hein, non, non. Le monde entier se fout de la gueule de la France et de ses nègres. Tout le monde en rigole, je veux dire. Les nations du monde en rigolent, ils en rient, ils en sont hilars. Ils disent, ah, regardez les Français, regardez à quoi ça... Et, ah, je vous assure, hein, je n'exagère pas du tout. Et donc, tout le monde voulait que l'Argentine gagne. Ils ont gagné. Et là, les Français, ensuite, ils ont eu pendant un bref moment un interstice s'ouvrir là, dans leur cloche communiste. Et tout d'un coup, ils ont découvert qu'en fait, le reste du monde ne voulait pas du tout suivre la pente que suit la France. C'est-à-dire, en fait, finir comme un trou à rats d'Afrique, quoi. Et ça leur a fait bizarre, hein. Ça leur a pas plu, hein. Ça leur a pas plu du tout. Et ça a été exprimé par l'équipe argentine, d'abord par les joueurs, le Gaulle, hein, bon, Martinez, mais pas uniquement, hein. Et les gens disent c'est les Argentins. Non, c'est pas les Argentins. C'est une erreur d'interprétation. Les Argentins sont les plus bruyants parce que c'est eux qui se foutent le plus ouvertement de leur gueule et que comme ils ont ramené la coupe, c'est eux qui sont sous les projecteurs. Mais attention, le reste du monde pense comme les Argentins et se comporte comme les Argentins. Tout le monde se fout de la gueule des Français avec leur équipe de macaques. Et ça, les Français, ils n'ont pas capté. Ils se disent, c'est les Argentins qui ont un problème. Là, tu te rends compte que la folie collective en France, elle est dans son stade terminal. Hein. C'est la fièvre noire. Ah oui. Bah, les peuples du monde entier, à l'époque de Gaulle, la France, elle était plus ou moins appréciée, plus ou moins, on va dire. Mais tandis que maintenant, il s'est passé quelque chose depuis cette histoire, c'est que la couleur de peau du peuple originel, elle a disparu. Et je pense que les peuples du monde entier, qui sont plus autochtones qu'en France, bah, ils veulent tout simplement pas être remplacés. Donc la France symbolise ce remplacement, leur propre extinction. Si la France s'étend au reste du monde, bah, ça signifie leur disparition. Donc les gens se retrouvent dans un peuple homogène. Et là, en l'occurrence, c'était l'Argentine. Je pense qu'il y a ça. Hein. Oui, c'est ça. En fait, la France incarne le sketch du grand remplacement. C'est le côté tragicomique du grand remplacement. Ce que tout le monde pressent, hein, je veux dire, voilà. Mais tout le monde pressent à l'étranger, je veux dire. Et puis là, c'est très manifeste, très manifeste. Oui, mais voilà, autant... c'est spectaculaire. Je veux dire, à la fin, tu vois, t'as carrément plus que des nègres sur le terrain, tout le monde le voit, ils perdent, hein, donc ils ont même pas en plus, tu vois, le joker de la victoire pour justifier le truc. Et je vous dis, les Français ont... Alors évidemment, bon, les bicots de Marseille et de Paris, ou les nègres, bon, eux, ils voient rien, donc c'est pas grave. Mais le truc qui a je sais pas si c'est à pleurer ou à pleurer de rire, parce que tu vois, les Français sont là, tout tricolores, allez, les bleus. Les gars, vous avez pas compris. C'est-à-dire que vous êtes la risée du monde entier. C'est ça, en fait, tout le monde se paye ta gueule, et t'as des gogoles à perruques tricolores qui sont fiers d'être les cons de l'histoire. Donc en fait, ça a été une espèce de dîner de cons mondial dans un stade, où l'invité a pas compris ce qui se passait. Il a pas compris. Le connard de Français de base a pas du tout compris que la planète entière s'est foutue de sa gueule lors de la Coupe du Monde. Je veux dire, ils ont pas compris. Ils ont vraiment pas compris. Même encore, là, vous allez dans les rues, vous en voyez, ils ont pas compris. Je vous le dis, ils pensent que c'est juste quelques Argentins qui sont racistes et qui se payent leur gueule, quoi. C'est un problème d'Argentine lié au racisme argentin, je sais pas quoi. On va y revenir. Et Ils n'ont vraiment pas compris que l'image de la France à l'étranger est catastrophique à cause de l'immigration massive qu'elle a subie. Ils n'ont pas saisi. Mais le Français moyen, je crois qu'il est resté bloqué historiquement aux années 80. En 1984, il y avait 100% des Blancs dans l'équipe, par exemple. On voit des photos comme ça qui fleurissent sur Twitter, qui comparent la France des années 80 là, et la France actuelle. Donc c'est passé de blanc à noir. Donc je pense que c'est Français qui... le Français moyen de base, il est nostalgique, sauf qu'il s'est passé quelque chose entre ces deux époques. Alors, les autorités françaises ont tenu à réagir justement à la risée mondiale qui accable leur équipe de babouins, en prétendant que c'est un problème qui vient exclusivement d'Argentine. C'est ce que je disais. Alors là, je vous cite un article de France Bleu qui résume à peu près ce qui se passe. Alors, là, c'est d'abord Noël Le Graët qui a écrit une lettre à ses homologues argentins pour se plaindre des... du héros Martinez. Oui, Martinez, les supporters, etc. Alors, je cite l'article qui commence par citer Le Graët. J'ai écrit une lettre à mon homologue de la Fédération Argentine, a indiqué jeudi dans Ouest France le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, après les moqueries des joueurs de l'Albiceleste, notamment à l'encontre de Kylian Mbappé. Je trouve ces excès anormaux dans le cadre d'une compétition sportive et j'ai du mal à comprendre. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire, explique-t-il. Donc en fait, tu vois, Pépé Le Graët, là c'est le boomer au cube, il comprend pas, il sait pas ce qu'il comprend pas le film en fait. Il dit je comprends pas, il croit que c'est voilà, un problème peut-être avec une personnalité d'un joueur, il a pas saisi. Alors vainqueur de la Coupe du monde en battant la France en finale, le gardien Emiliano Martinez s'en est pris ouvertement à la star française, auteur de 3 buts dans le match. Alors ils aiment bien dire ça, il a ouais, j'ai planté 3 buts, en chantant dans le vestiaire une minute de silence pour Mbappé avant d'être suivi par ses coéquipiers. Le gardien argentin a ensuite été aperçu tenant une poupée représentant un bébé dont le visage avait été recouvert d'une photo de Mbappé lors des célébrations en Argentine. La Fédération française de football a porté plainte après des messages racistes visant plusieurs joueurs de l'équipe de France. Ils ont carrément fait un tweet là-dessus et tout, enfin, c'est extraordinaire. Également interrogé à ce sujet, dans une interview donnée à Sud Radio, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a estimé que l'attitude des joueurs argentins était indigne. Que fait la FIFA ? Le sport, c'est le fair play, c'est le respect des autres, c'est le respect de celui qui a perdu. On ne va pas ajouter l'insulte à la déception, a-t-il affirmé jeudi. Alors aujourd'hui, il était encore éploré sur son compte Twitter, parce qu'en fait, son compte Instagram est spammé par des supporters argentins. Qui lui rappelle, enfin, alors, j'ai remarqué que les Argentins ont comment dire, une science assez spéciale quand il s'agit des nègres, c'est-à-dire que les nègres viennent d'Angola. Donc c'est, les Français viennent d'Angola. Enfin, les Français, ben oui, les Français. L'avenir de la France, c'est l'Angola. Voilà. C'est. Il y a quelque chose. Je pense qu'on n'a pas assez d'Angolais, il en faudrait. Oui, bah, donc voilà. Alors, il était là, il fulminait de rage encore aujourd'hui, hein, je veux dire, au moment où on enregistre des missions, hein, je veux dire, donc on était là, on est vendredi, hein, donc c'est des jours après la clôture de la compétition et les autorités françaises, les ministres sont encore en train de rager, quoi, comme des dingues. Hein. Il n'arrive pas à passer outre. Extraordinaire. Alors, lors d'une vidéo diffusée en direct sur Instagram, l'ancien attaquant de l'Albiceleste, Sergio Aguero, qui était au Qatar avec l'équipe argentine, avait par ailleurs insulté le milieu français Eduardo Camavinga dans la foulée de la finale. Bon, il a fait des Alors, blagues sur son nom. Oui, il a dit que c'était une tête de bite. Effectivement, bon, je sais pas. Ouais, il a une tête de plus, je crois qu'il a une tête de plumeau à chiottes, celui-là, enfin, il a une tête de brosse à chiottes, hein, il me semble. C'est une tête de nègre avec ses traits et tout, c'est une sale gueule de. Oui, c'est ça, c'est une brosse à chiottes. Oui, c'est ça, c'est effectivement, c'est une brosse à chiottes. Hein. Et comment dire. Enfin voilà, et. Alors, aujourd'hui. Il signore Martinez a remis une couche. Mais cette fois-là, c'est Tchouaméni, là. Un autre cafre, il a dit qu'il avait souillé ses caleçons. Oh putain, donc en fait, c'est tous les jours. Et les Français en peuvent plus. Alors moi, j'ai suivi les réactions des journalistes sportifs, Le Parisien, RMC, BFM, mais les mecs étaient ivres de rage. Chaque fois que les Argentins, ils en revenaient à BFM TV, ils sont absolument verts de voir, en fait, non seulement les Argentins, mais tout le monde se paye leur la tête de leur équipe de CAFRE, quoi. Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est de l'art. Voilà, qu'est-ce que dire de plus si ce n'est merci, quoi. Merci à l'Argentine d'avoir soldé le compte de cette équipe de babouins, quoi. Ben oui, c'est la... et puis c'est... d'accepter, c'est-à-dire de ça les fait marrer d'avoir battu des enfin, ils ont vu ce truc-là, c'est-à-dire Deschamps a fait c'était une performance artistique de Deschamps, quoi. Vraiment il a mis un blanc dans des cages avec des nègres libres qui courent autour, si tu veux. Il y a quelque chose qui relève du happening artistique. Ah oui, du happening de l'art moderne. Ouais, quoi, c'est de l'art, c'est... ouais, c'est ça. Et donc, bon, ben, face à cette manifestation artistique qui est là pour susciter, ma foi, des émotions, ben, l'émotion est que ça fait marrer les Argentins. Et ça, donc, voilà. Est-ce que tu as vu l'œuvre d'art de Deschamps a trouvé son public. Est-ce que tu as vu qu'ils ont brûlé une effigie de Mbappé dans un cercle, hein? Mais j'ai vu. Non, mais c'est un peuple assez intéressant. Hein, j'ignorais. On sait qu'ils ont accueilli. Les Allemands, oui. Les Allemands, mais pas que. Hein, tu connais peut-être de nom Jacques Demaieu, qui était un Français, hein, scientifique, ethnologue, peut-être, je sais plus exactement. Mais qui était aussi, en tout cas. Dans la division Charlemagne, ah. Et qui était conseiller du président Perron, bon, on le connaît pour plusieurs ouvrages, dont un assez intéressant, enfin, le titre en tout cas est assez intéressant. J'avais feuilleté à l'époque, je me souviens plus dans le détail, mais ça s'appelait Précis de biopolitique. C'est clair et concis, hein. C'est précis de biopolitique, Jacques Demaieu. Je sais pas si on le trouvait à l'époque sur les internets. Je sais pas si c'est toujours le cas. Je précise que monsieur Perron est d'origine bretonne, hein. D'accord, parce que Perron en fait c'est Perron. Et Perron, c'est un nom breton, ça vient de Bretagne, hein, comme Monsieur Pinochet. Eh oui. Ça se raccroche à ce qu'on peut. Ah, mais bon, je précise, voilà, c'est-à-dire que quand même, les deux lumières de l'Amérique du Sud, hein, voilà, sont quand même d'origine bretonne. Voilà, je rappelle des petites choses comme ça, en passant, comme ça, voilà. Donc, voilà. Alors, et donc l'Argentine, si on peut revenir là-dessus, oui. Donc, bon, le précis biopolitique, c'est une chose, mais là on apprend. Je m'étais jamais trop. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas pu vérifier. C'est ça qui est. Je m'étais pas trop intéressé dans le détail, mais là, des histoires en sortent sur l'histoire des nègres en Argentine, et c'est assez. C'est assez intéressant pour le coup. Hein. Vas-y, ça m'intéresse, oui. Il semblerait que à la moitié du 19e siècle, les nègres étaient 20 à 30% de la population et qu'il en reste plus qu'un. C'est une tendance, une évolution tout à fait stupéfiante et encourageante. Hein. Comment ce miracle a eu lieu? Je suis pas. Alors miracle, bon, il y a quand même malheureusement pas tout n'est pas tout n'est pas tout n'est pas comment dire tout n'est pas merveilleux dans ce tableau, hein, puisque une partie a été par le métissage. Donc c'est-à-dire que tu as quand même des babines bizarres, des naseaux épatés, ouais, qui se retrouvent par-ci par-là, donc par dilution, donc pour une partie, et par ségrégation de l'autre. C'est même pas ségrégation, c'est-à-dire que les standards nègres ont été. C'était pas bien vu d'être nègre, quoi. Donc les blanches, non pas les blanches. les négresses ne voulaient pas avoir à se traîner un nègre derrière eux, donc elles se faisaient, engrosser par des blancs, et ainsi de suite. Donc tu as dilution d'une part, et puis donc les noirs de leur côté pur se sont étaient ils pouvaient pas se oui ils trouvaient pas de femmes qui voulaient de je sais pas dans quelle mesure il y a eu métissage avec les nègres, mais je pense pas que ce soit ça a dû quand même être assez marginal, parce qu'ils sont pas il y a quand même beaucoup de en tout cas ça a peut-être dû se faire pour ceux qui étaient là au 19e siècle, mais après il y a eu une immigration au 20e siècle qui a fait que même les premières Argentins, ça reste assez ça a encore dilué la chose, quoi. Les restes de nègres sont assez marginaux, quoi. Moi je me rappelle, j'avais croisé comme ça en voyage une jeune Argentine qui de type européen. Je dis, vous venez d'où? Moi je suis en Argentine. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, mais vous êtes originaire de... Ah ben c'est mon grand-père, il vient d'Allemagne. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Okay. Elle avait le même âge que moi, donc j'ai dit, j'ai pas creusé, j'ai pas posé plus de questions, mais enfin bon. Mais il y a même des Français, enfin moi bon. Non mais tous les gars Corses, sont partis en Argentine. Il y en a plein qui sont partis avec les. Il y avait un joueur, je pense qu'il était plus français que. Il était plus français que au moins la moitié de l'équipe française, voire plus, parce qu'il n'y avait que deux Français dessous. Il s'appelle De Paul. Il avait une bonne tête de. Voilà, il avait une bonne tête de Français technique et tout. Enfin, un nom français en face, et le reste c'était du Mavinga. Ouais, du babouin, quoi. Les noms de fou, hein. Fofana. On en a parlé la dernière fois. Ouais, il y a Youssouf Fofana, quoi. C'est ça, hein. Hydromel, toi qui es spécialiste un petit peu de ça. Il n'y a pas de Koulibaly, mais souvent. Non, mais le type s'appelle Youssouf Fofana, comme le nègre qui a tué Ilan Halimi. C'est quand même. Bah ouais, non, mais c'est Youssouf Fofana. Moi, chaque fois que je fais Youssouf Fofana, je suis. Ben, Pense pas encore de Traoré, mais ça va arriver. À chaque fois qu'il touche le ballon, tu dis il a la limite, toi. Ben disons que oui, quand t'as Youssouf Fofana dessus, tu penses aux Juifs. Avec un petit sourire. Hein. Voilà, tu penses à des portables, je ne sais pas. Donc, comment dire. Bon, ben voilà, alors donc, vous avez vu là, les réactions des. Alors, Noël Le Graët en furie, Bruno Le Maire, alors lui, là. Bon, vous avez remarqué qu'il n'est pas en charge de l'économie française. Bon, vous avez compris, hein, vous avez oublié ça. Par contre, il commente à bloc sur le racisme argentin, ok. Bon, bah voilà, hein. Bon, bah, et puis les journalistes, voilà, ils ragent. C'est ça qui est bon, c'est l'humiliation qui s'ajoute à la défaite. Moi, c'est ce que j'adore. C'est une défaite symbolique forte. Par exemple, le drapeau argentin, il y a un soleil au milieu. C'est lumineux. C'est une lueur d'espoir, franchement, pour la suite. Parce que dans cet environnement très très sombre, négrifié, voilà, il y a au bout du tunnel, il y a la lumière. Bon, il suffit d'un événement et ça les met en PLS tous. On voit comment ils réagissent dans les médias, donc ça c'est assez jubilatoire. Bon les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À plus. À la semaine prochaine.